La terre des cœurs est minée de bombes cachées, donc c'est dur d'avancer, chacune d'entre elles éclate un jour ou l'autre et nous fait reculer, laissant toujours une cicatrice, on avance à cloche-pied, puis on retombe et c'est fini, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, et la mémoire pour regretter sera plus en regardant en arrière, mais le passé nous tourne la tête, puis s'enfuit pour disparaître, on est seul agonisant par terre, on voit personne apparaître, pour nous tendre la main, nous relever nos portes, ceux qui ont la chance de s'en sortir ne reviennent pas, sont déjà loin, sont dans notre cas, sont déjà morts, et ne peuvent plus rien, mais j'en ai rien à foutre, je suis pas comme tout le monde, pas crever, c'est ce que tout le monde se dit. Mais j'y arriverai, je continuerai. S'il faut, j'avance à plat ventre. À l'arrivée, y'a de belles bagues. Il faut pas que j'y perde la tête. Je rigole pas une telle blague. Mais l'amour me rend aveugle. Dans cette guerre, j'y laisse ma vie. Pour finir, ceux qui posent les bombes sont les femmes, à mon avis. Je reviens le dire, on avance en solitaire. Bien trop loin du bonheur, comme la distance au soleil terre. Une plume d'artiste, des punchlines de suicidaire. Un cœur en forme d'iceberg, un amour caniculaire. Je reviens le dire, on avance en solitaire. Bien trop loin du bonheur, comme à distance au soleil terre. Une plume d'artiste, des punchlines de suicidaire. Un cœur en forme d'iceberg, un amour caniculaire. Passé de chaud à froid, de froid à chaud, mon cœur est pourri trop. Dans la voiture de ma vie, je regarde beaucoup trop dans le rétro. Y'a les femmes qui posent des bombes et celles qui t'exécutent sans remords. Les relations avec, t'y rentres en homme et t'en ressort mort. De nos jours, mon pote, même une moche maquillée se rébelle. Dis-lui d'arrêter de me dire je t'aime, je sais qu'elle se répète. Je me présente, je suis porte-parole de l'amour qui se rebelle. Je voulais sortir avec la vie, mais je me suis trompé en croyant qu'elle serait prête. Accroche-toi gros quand elle te largue sans parachute. Chute, je sais pas vraiment si je suis dans le vrai, mais j'aspire pas à plaire au but. Un cœur plein de cicatrices comme le visage de Ribéry. Elle était si belle heureuse que je voulais en ripeller. Dans le rap j'ai toujours pas de colloque, je lâche un album. Monologue, manque de moyens, je me sers de drogue douce comme psychologue. À cette heure-ci c'est pas un homme. Mon pire ennemi est l'ami, je dois te laisser, j'ai mis le pied sur une mine. Je reviens le dire, on avance en solitaire. Bien trop loin du bonheur, comme la distance au soleil terre. Une plume d'artiste, des punchlines de suicidaire. Un cœur en forme d'iceberg, un amour caniculaire. Je reviens le dire, on avance en solitaire. Bien trop loin du bonheur, comme la distance au soleil terre. Une plume d'artiste, des punchlines de suicidaire. Un cœur en forme d'iceberg, un amour caniculaire.